Chapitre 14e. Il traversa le parc sans se presser, en passant par de petits chemins herbeux dont il aimait la solitude et la fraîcheur humide. Quand il arriva sur le bord de la Seine, à l'endroit où d'ordinaire on amarrait le bateau, en face de la porte verte qui met la propriété en communication avec le chemin de halage, il vit que tout le monde avait traversé la rivière et dû se faire passer sur l'autre bord par un pêcheur. On l'accueillit avec de grands cris. Paresseux, dormeur, il est allé faire la sieste. Venez vite nous aider à dresser la tente. André, en effet, avait déclaré que l'eau devait être encore assez chaude pour qu'elle pût prendre un bain. On était donc venu chercher une place commode, un petit coin de prairie sur le bord d'une grève de sable fin, trois ou quatre grands peupliers dont la feuille inquiète tremblait en bruissant au moindre souffle de l'air, et çà et là, des bouquets de saules qui devaient servir de cabine aux hommes. Madame Passemard avait risqué une timide observation au nom des convenances. Elle fit remarquer tout bas à son mari qu'on était bien nombreux, que Maxime pouvait mettre seulement des caleçons et non des costumes complets à la disposition de ces messieurs. Mais, comme d'ordinaire, elle ne fut pas écoutée. Hector se contenta d'abaisser sur la pauvre Cassandre un regard dédaigneux et haussant les épaules. « Si tu crois que ta fille... » Il n'acheva pas, heureusement. Un paysan, à 50 mètres de là, taquinait les goujons, qui le lui rendaient bien, à en juger par sa mine encore plus mélancolique que ne l'est de coutume l'air du pêcheur à la ligne. Passemard jugea sans doute que ce mécontent devait avoir un tempérament d'opposition, car il l'entreprit, pendant qu'on se déshabillait, sur les méfaits du gouvernement de MacMahon et les prochaines élections. Après quoi il déclina son nom, lui donna 100 sous pour l'aider à se le rappeler, et revint en se frottant les mains, convaincu que le pêcheur avait mordu, ce qui prouverait que pour prendre homme ou poisson, il est toujours nécessaire au préalable d'amorcer. Passérieux avait déjà piqué sa tête avec Maxime et prenait les ébats bruyants d'un jeune cachalot qui folâtre, Derieux, immobile sur la rive, les jarrets tendus, la taille bien cambrée, la poitrine en avant, les bras un peu écartés du torse, comme s'il avait porté sous chacun d'eux d'invisibles dictionnaires, faisait valoir au grand soleil la puissante musculature de son corps d'athlète et semblait adresser une muette provocation à quelques lutteurs sur l'autre bord. Quant à Salvery, il s'était récusé après un peu d'hésitation. L'eau froide irritait ses nerfs, l'empêchait de dormir. Il n'ajoutait pas qu'elle dérangeait ses cheveux et défrisait sa moustache. Henri avait fini de revêtir son costume et allait se jeter, lorsqu'André lui cria sous la tente. « Et Monsieur Mareuil, Monsieur Mareuil ! « Attendez-moi pour me donner la main en entrant. J'aurais peur toute seule. » Madame Passemard appuya aussitôt. « Oui, oui, vous êtes très bon nageur, je vous confie ma fille. Veillez sur elle et prenez bien garde aux herbes. » Derieux se décida enfin à plonger, ce qu'il fit avec méthode, les bras tendus de toute leur longueur au-dessus de sa tête, les deux mains réunies par la pointe des doigts, le buste dessinant une courbe gracieuse. Monsieur Passemard, étendu sur l'herbe, causait avec Salbry, qui paraissait s'intéresser prodigieusement à l'industrie sucrière et en particulier à la raffinerie de Saint-Denis. « 300 000 pains cette année, c'est magnifique. Année exceptionnelle, sans doute. Mais non, pas du tout. Année moyenne, cher monsieur, année moyenne. » La voix d'André se fit entendre de nouveau. « Mère, je ne puis pas parvenir à arranger mes cheveux. Aide-moi donc. » Elle déboutonna le haut de la fente qui sert de porte à ses tentes de bain et, par l'entrebâillement, passa la tête. Henri vit un cou blanc, fluet, perdu comme un fuseau dans une masse de cheveux en désordre, toison splendide, pleine de rayons de soleil, qui coula avec des ruissellements fauves sur le coutil gris et que les mains de Madame Passemard secouèrent comme un voile d'or avant de la rouler en épaisse torsade sur la nuque penchée de la jeune fille. Un instant après, la tente s'ouvrit. André fit 2 pas en avant et s'arrêta, la main sur les yeux, ébloui par les rayons déjà obliques du soleil qui commençait à décliner. Elle portait un costume de flanelle blanche, soutaché de noir. Le corsage, à grand col rabattu et orné d'encre aux 2 angles, entrait dans le pantalon comme la blouse de nos matelots, au lieu de former jupon au-dessous de la taille et de dissimuler sous d'amples plis la saillie des hanches. Une ceinture de laine bleue s'enroulait autour des reins. Les pieds étaient chaussés d'espadrilles, attachés par 2 rubans noirs qui se croisaient à la hauteur de la cheville, tournés par derrière en sens contraire et revenaient former rosette sur le devant de la jambe. Elle était coiffée non d'un bonnet, mais d'un chapeau marin à bord droit, en paille recouverte de toile cirée, qui complétait sa ressemblance avec un jeune mousse. Ce costume de bain faisait depuis 2 ans le désespoir de Madame Passemard, qui ne le trouvait pas assez féminin. Soutenue par son père, la jeune fille n'en avait pas moins réussi, comme d'ordinaire, à vaincre la résistance maternelle. « Laisse donc, » avait dit le raffineur à sa femme, « tu vois bien que Bichette n'est pas taillée sur ton patron, tu serais ridicule là-dedans, toi. Elle, au contraire, est très gentille. Tu ne vois pas comme elle est mince, étroite des hanches ? C'est ta faute. Pourquoi me l'as-tu bâtie comme un petit homme ?» Elle fit quelques pas vers la rivière et prit sans la moindre timidité la main que Mareuil lui tendait avec un peu d'embarras. « Y êtes-vous » dit-elle gaiement. « Je vous préviens que j'entre toujours en courant. Allons, 1, 2, 3 !» Et elle partit, bondissant comme une chèvre, riant du plaisir de piaffer dans la Seine, en éclaboussant la ronde, heureuse de ce froid qu'il avait saisi et dont la sensation montait dans tout son corps, contractait ses nerfs, crispait un peu ses doigts et faisait claquer légèrement ses dents. Elle avançait plus lentement à mesure que l'eau devenait plus profonde. Quand elle en eut jusqu'au-dessus de la ceinture, elle quitta Henri, ramena les mains sous son menton, puis, se laissant aller en avant, elle lança les bras et se mit à nager. « Ces messieurs sont loin !» cria Madame Passemard. « Suivez-la de près, monsieur Mareuil. Maxime, Maxime, reviens du côté de ta sœur !» Mais Maxime n'avait d'oreille que pour Derieux, qui l'initiait à une forme nouvelle de passade, très en honneur en Angleterre et beaucoup plus sport que la nôtre. « Je ne vous savais pas si bonne nageuse, » dit Henri. « Oh, ce que je n'ai pas peur avec vous. Je sais bien que vous ne seriez pas loin à me repêcher si j'avais une crampe, n'est-ce pas ? Je ferai de mon mieux, mademoiselle. » Ils firent une centaine de brasses à côté l'un de l'autre, dans une belle eau verte, profonde et tranquille, où le courant ne se faisait pas sentir. Mareuil restait un peu en arrière, afin de mieux veiller sur tous ses mouvements. Il voyait à la naissance de son cou de petites mèches folles, brunies par l'eau et roulées en boucles fines. Parfois, au moment où elle prenait un élan plus vigoureux, une partie de son dos émergeait pendant une seconde. La laine mouillée de son costume, au lieu de flotter autour d'elle, se dégonflait aussitôt, s'appliquait sur la peau et prenait le moule exact de ses épaules. De petites gouttelettes, véritables poussières d'eau, se balançaient çà et là sur ses cheveux, comme ces perles de rosée qui tremblent le matin au bout des brins d'herbe. D'autres couraient, semblables à du vif argent, sur les torsades de son chignon, sans le mouiller. « Je me sens place, » dit-elle. « Voulez-vous me prêter votre épaule pour m'y reposer, comme je fais avec Maxime ?» Et elle tourna vers lui son visage, où le soleil et l'exercice avaient mis des teintes fraîches. Henri se rapprocha un peu d'elle, ce qui lui permit d'appuyer légèrement sa main gauche sur l'épaule droite du jeune homme, tout en continuant à nager de l'autre bras. « Je ne vous fatigue pas, » demanda-t-elle. « Moi, j'irai ainsi au bout du monde, » répondit-il, sans trop savoir ce qu'il disait. « Oh, je ne vous demande pas d'aller aussi loin. » « Comme l'eau est bonne, n'est-ce pas ? Ah, mon Dieu, des herbes !» Elle poussa un petit cri de terreur et se jeta si vivement de côté qu'il sentit un moment le contact de son corps. Henri la saisit vigoureusement par le bras, près de l'épaule, et l'entraîna à quelques mètres de l'endroit dangereux, en la soutenant un peu, car elle était toute pâle de peur et semblait n'avoir plus la force d'avancer. « Merci, » dit-elle. « Vous pouvez me laisser aller maintenant. Je suis remise. Vous devez me trouver bien poltronne, n'est-ce pas ? C'est plus fort que moi. Ces affreuses herbes gluantes et froides qui s'entortillent dans les jambes me rendent folle. Savez-vous bien que sans vous j'aurais bien un coup ? Ramenez-moi au bord, voulez-vous ? J'en ai assez pour aujourd'hui. » Ils revinrent à la petite grève de sable où Madame Passemard attendait, toute prête à envelopper sa fille dans un peignoir qu'elle tenait à déployer. Lorsqu'elle sentit le fond, André, cessant de nager, sortit de l'eau peu à peu, en se traînant sur les mains et les genoux, avec de petits cris étouffés que lui arrachaient les aspérités des cailloux. « Dépêche-toi donc !» disait sa mère. Elle se redressa enfin et disparut sous le peignoir lancé autour d'elle comme un épervier. Mais le mouvement ne fut pas assez rapide pour empêcher Mareuil de remarquer que le costume de laine blanche, en se collant sur elle, prenait par place des tons roses.